Dès le matin, le chirurgien tira mes rideaux et me dit « Allons, l'ami, votre genou, car il faut que j'aille loin. » « Docteur, lui dis d'un ton douloureux, j'ai sommeil. »« Tant mieux, c'est bon signe. Laissez-moi dormir, je ne me soucie pas d'être pansé. Il n'y a pas d'inconvénient à cela, dormez !» Cela dit, il referme mes rideaux. Je ne dors pas. Une heure après, la doctoresse tire mes rideaux et me dit « Allons, l'ami, prenez votre rôti au sucre. » « Madame la doctoresse, lui répondis d'un ton douloureux, je ne me sens pas d'appétit. Mangez, mangez, vous n'en pirez ni plus ni moins. Je ne veux pas manger. Tant mieux, ce sera pour mes enfants et pour moi. » Et cela dit, elle referme mes rideaux, appelle ses enfants, et les voilà qui se mettent à dépêcher ma rôti au sucre. Lecteur, si je faisais ici une pause, je voudrais bien savoir ce que vous en penseriez. Que je me suis fourré dans une impasse à la Voltaire, ou, vulgairement, dans un cul-de-sac, d'où je ne sais comment sortir, et que je me jette dans un compte fait à plaisir pour gagner du temps et chercher quelques moyens de sortir de celui que j'ai commencé. Eh bien, lecteur, vous vous abusez de tout point. Je sais comment Jacques sera tiré de sa détresse, et c'est ce que je vais vous dire. De Gousse, l'homme a une seule chemise à la fois, parce qu'il n'avait reçu qu'un corps à la fois, et ce n'est point un compte. C'était un jour de Pentecôte, le matin, que je reçus un billet de Gousse par lequel il me suppliait de le visiter dans une prison où il était confiné. Quand j'entrai, j'avais trouvé Gousse en robe de chambre, assis à une petite table, traçant des figures de géométrie et travaillant aussi tranquillement que s'il eût été chez lui. Nous voilà seuls. « Et vous, que faites-vous ici ?»« Moi, je travaille, comme vous voyez. »« Et qui vous y a fait mettre ?»« Moi. »« Comment vous ?»« Oui, moi, monsieur. »« Et comment vous êtes-vous pris ?»« Comme je me serais pris avec un autre. »« Je me suis fait un procès à moi-même. » Je l'ai gagné, et en conséquence de la sentence que j'ai obtenue contre moi et du décret qui s'en est suivi, j'ai été appréhendé et conduit ici. Êtes-vous fou ? Non, monsieur, je vous dis la chose telle qu'elle est. Ne pourriez-vous pas vous faire un autre procès à vous-même, le gagner, et en conséquence d'une autre sentence et d'un autre décret, vous faire élargir ? Non, monsieur. Gousse avait une servante jolie, et qui lui servait de moitié, plus souvent que la sienne. Ce partage inégal avait troublé la paix domestique. Quoique rien ne fût plus difficile que de tourmenter cet homme, celui de tous, qui s'épouvantait le moins du bruit, il prit le parti de quitter sa femme et de vivre avec sa servante. Mais toute sa fortune consistait en meubles, en machines, en dessins, en outils et autres effets mobiliers. Et il aimait mieux laisser sa femme toute nue que de s'en aller les mains vides. En conséquence, voici le projet qu'il conçut. Ce fut de faire des billets à sa servante, qui en poursuivrait le paiement et obtiendrait la saisie et la vente de ses effets qui iraient du pont Saint-Michel dans le logement où il se proposait de s'installer avec elle. Mais il avait affaire à une coquine très rusée qui, au lieu de le faire exécuter dans ses meubles, se jeta sur sa personne, le fit prendre et jeter en prison.